À l'occasion du 72e anniversaire de la libération de la Corée, le président russe Poutine a fait parvenir le message de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un. Le destinataire s'est exprimé convaincu que le renforcement des relations d'amitié et de la coopération constructive entre les deux pays est conforme aux intérêts communs et contribue à la paix et à la stabilité de la péninsule coréenne et de l'ensemble de la région de l'Asie du Nord-Est. Il a souhaité santé et succès aux camarades Kim Jong-un et bonheur et bien-être à tout le peuple coréen.